l'ours polaire et le tigre de Sunda, le panda roux et l'orang-outan. Bientôt tu n'en verras plus, ils ont presque tous disparu. Oh, pour eux c'est bientôt fini. Oh, le poisson lune et la baleine bleue, l'hippocampe et la raie-manta. Bientôt tu n'en verras plus, ils ont presque tous disparu. Oh, pour eux c'est bientôt fini. Oh, et tu le sais bien que tu n'y es pas pour rien. S'il n'en reste aucun, c'est le triomphe des tiens. Tu sens que ce n'est pas bien. Comme toi, ils sont terriens. S'il n'en reste aucun, c'est une défaite des tiens. Le macaremoine et l'arfan des neiges, l'aigle impérial et le cacapo. Bientôt tu n'en verras plus, ils ont presque tous disparu. Oh, pour eux c'est bientôt fini. Oh, la tortue lue et le cobra royal, le dragon d'eau et le varan de Komodo. Bientôt tu n'en verras plus, ils ont presque tous disparu. Oh, pour eux c'est bientôt fini. Oh, et tu le sais bien que tu n'y es pas pour rien. Il n'en reste aucun, c'est le triomphe des tiens. Tu sens que ce n'est pas bien. Comme toi, ils sont terriens. S'il n'en reste aucun, c'est une défaite des tiens. La loi de la nature, les remords de ta conscience.